forme de conscience. Les pensées des autres hurlent en elle comme les rires forcés de millions de spectateurs de films comiques d'Alex. Par conséquent, elle tombe de monde en monde et elle rend tous les gens stupides dans le seul but d'éradiquer toute pensée dans l'univers. Éradiquer toute pensée? Mon Dieu, alors c'est comme les télévisions volantes? Et même nous ne pouvons rien pour les arrêter. On s'y retrouve.